Chapitre 1. Préparatif du 10 août. La déclaration de guerre du 20 avril 1792 et la formation des volontaires nationaux qui en fut la suite avaient mis aux mains des meneurs cachés de la Révolution un puissant moyen d'agitation populaire. Mais ces meneurs n'avaient pas tous le même but et ne gardèrent pas la même attitude dans les événements que nous allons exposer. Les Girondins, qui étaient surtout avides de pouvoir, ne voulaient qu'effrayer la cour et amener le roi à composition afin de disposer à leur gré des finances et des emplois. À la veille même du 10 août, ils se seraient mis en travers du mouvement révolutionnaire, si Louis XVI eût consenti à leur livrer le gouvernement dans la personne de trois ministres de leur parti, Roland, Clavière et Servan. Sur le refus du roi d'adhérer à leurs propositions et à leur programme, on voit les Girondins attiser le feu de l'insurrection par les mains de Pétion, de Barbaroux ou de Vergniaud, tout en s'efforçant, comme l'a avoué Roederer, de temporiser, de gagner du temps, d'espérer quelque chose de la détresse et de la gratitude de la cour, en la soutenant et en la menaçant tout à la fois. Quant aux Jacobins, ils allaient à cette date jusqu'au bout de la logique révolutionnaire, et ne voulaient rien moins que la déchéance du monarque et une complète subversion de l'ordre politique et social. Ils représentaient les véritables hommes d'action et de combat d'un mouvement dont les Girondins n'étaient que les rhéteurs et les hommes de parade. Les Girondins ne devaient pas tarder à être dépassés et submergés par le flot toujours grossissant du jacobinisme. Ce dernier parti comprit tout d'abord quel puissant moyen d'action pouvaient lui fournir ces enrôlements de volontaires. Tourbe confuse où s'agitaient à côté de beaux élans de patriotisme les sentiments les plus vils et les passions les plus féroces. Par la savante organisation et la hiérarchie de ces clubs, le jacobinisme constituait un état dans l'état et faisait pénétrer jusqu'au moindre village l'œil et le bras de la révolution. Par le public des tribunes composé de ces séides soigneusement disciplinés, il dominait et dictait la plupart du temps les résolutions de l'assemblée. Le 8 juin, il arrache à celle-ci un décret qui mobilisait sous Paris un camp de 20 000 hommes. Le roi y opposa son veto, et en même temps il ordonna la formation de 42 bataillons de volontaires à Soissons. Mais beaucoup de municipalités, obéissant à la société mère des Jacobins, ne tiennent nul compte de l'ordonnance royale, et n'en dirigent pas moins leurs bataillons sur Paris. En vain, une circulaire ministérielle enjoint aux officiers de paix, à la gendarmerie et à toute force publique de dissiper tout rassemblement marchant sans réquisition. Les fédérés continuent à s'attrouper et à marcher vers la capitale. Prise de peur, l'Assemblée législative s'efforce de légaliser l'arrivée des fédérés, tout en déclarant qu'ils ne peuvent résider à Paris, au-delà de 3 jours. Ceux-ci, comblés d'éloges et de prévenances, fêtés, hébergés, choyés, gorgés de vin et de gros sous, n'avaient nulle envie de prendre le chemin du camp de Soissons. Et de leur côté, les meneurs jacobins n'avaient garde de laisser échapper une force toute prête pour leur dessein. Ils commencèrent par organiser un comité central des fédérés qui se mit en rapport avec les comités occultes des sections et devint bientôt le moteur et l'âme toujours agissante de l'insurrection. Mais les sections elles-mêmes étaient isolées et livrées à l'anarchie de leurs résolutions. Les jacobins voulurent imprimer à ces forces éparses et désordonnées l'unité d'action qui leur faisait défaut. Dans ce but, ils obtinrent un arrêté municipal qui établit un bureau central de correspondance entre les 48 sections de Paris. Ainsi se construisait peu à peu, sous l'impulsion d'une puissance mystérieuse, l'édifice des pouvoirs révolutionnaires. La force de ceux-ci s'augmentait à chaque instant de la faiblesse toujours croissante des pouvoirs légaux établis par la Constitution de 1791. Les vices de cette Constitution, chef d'œuvre de la sagesse de 89, s'accentuaient de jour en jour. Pendant que le roi était livré aux irrésolutions de sa nature et l'Assemblée législative aux contradictions de votes émis, la plupart du temps, sous les vociférations des tribunes, le jacobinisme marchait à son but d'un pas assuré et avec une habileté vraiment infernale. Telle était la situation au commencement de ce terrible mois de juillet, qui fut si fécond en incidents douloureusement significatifs. Le premier acte du comité central des fédérés avait été de battre en brèche le décret de l'Assemblée relatif au séjour des fédérés à Paris, en publiant les instructions suivantes. Arrivés ou en route, les fédérés ne doivent point se laisser diviser. Ils doivent faire masse à Paris et, malgré tous les ordres qui pourraient leur être donnés, refuser de se rendre au camp de Soissons. Ces instructions furent trop bien suivies. Grâce à la présence des fédérés, une excitation perpétuelle fut perfidement entretenue à Paris. L'artificieux et cruel discours de Vergniaud contre Louis XVI, la suspension de Pétion par le département confirmée par le roi et l'annulation par l'Assemblée de la décision du département et du roi, le décret déclarant la patrie en danger, le canon d'alarme tiré aux Invalides, le triomphe de Pétion et l'humiliation de Louis XVI au Champ de Mars, à la fête de la Fédération, la tentative insurrectionnelle du 26 juillet à l'auberge du Soleil d'Or, l'adresse de Condorcet au roi furent autant de signes précurseurs d'une révolution que de nouveaux événements allaient bientôt précipiter.